Esdras chapitre 2. Or ce sont ici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux qui avaient été transportés, que Nebuchadnezzar roi de Babylone, avait transporté à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, chacun en sa ville. Qui vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilsan, Mispar, Bigvaï, Réin et Baana, le nombre, dis-je, des hommes du peuple d'Israël, fut le suivant. Les enfants de Paro, 2172. Les enfants de Séphatia, 372. Les enfants d'Ara, 775. Les enfants de Pahath Moab, des enfants de Jésua et de Joab, 2812. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zatu, 945. Les enfants de Zakaï, 760. Les enfants de Bani, 642. Les enfants de Bébaï, 623. Les enfants d'Asbia, 1222. Les enfants d'Adonikam, 666. Les enfants de Bigvaï, 2056. Les enfants d'Adin, 454. Les enfants d'Athé, issus des Échia, 98. Les enfants de Betsaï, 323. Les enfants de Jura, 112. Les enfants de Hazom, 223. Les enfants de Gibar, 95. Les enfants de Bethléem, 623. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatot, 128. Les enfants d'Azmavet, 42. Les enfants de Kirjatarim, de Kephira, et de Beroth, 743. Les enfants de Rama et de Gera, 621. Les gens de Mishma, 122. Les gens de Bethel et de Haï, 223. Les enfants de Nebo, 52. Les enfants de Magbi, 156. Les enfants d'un autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Lo, d'Adi et d'Ono, 725. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Semaa, 3630. Des sacrificateurs, les enfants de Jedaja, de la maison de Jésua, 973. Les enfants d'Imé, 1052. Les enfants de Passur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Des Lévites, les enfants de Jésua et de Kadmiel, d'entre les enfants de Davia, 74. Des chantres, les enfants de Zaph, 128. Des enfants des portiers, les enfants de Salom, les enfants d'Athé, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants d'Atita, les enfants de Sobaï, tous, 139. Des Nétiniens, les enfants de Tsia, les enfants de Azufa, les enfants de Tabaoth. Les enfants de Kéro, les enfants de Siaa, les enfants de Padon. Les enfants de Lébana, les enfants d'Agaba, les enfants d'Akub. Les enfants d'Agab, les enfants de Sanlaï, les enfants de Hanan. Les enfants de Guidel, les enfants de Gar, les enfants de Réaja. Les enfants de Retsin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam. Les enfants d'Uza, les enfants de Pazia, les enfants de Bézaï. Les enfants d'Asna, les enfants de Méunim, les enfants de Néphusim. Les enfants de Bagbu, les enfants d'Akufa, les enfants de Harur. Les enfants de Batslut, les enfants de Meïda, les enfants de Harsa. Les enfants de Barco, les enfants de Sisra, les enfants de Théma. Les enfants de Netsia, les enfants d'Atifa. Des enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sepheret, les enfants de Peruda. Les enfants de Jala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel. Les enfants de Sephadja, les enfants d'Atil, les enfants de Pocheret-Atsebajim, les enfants d'Ami. Tous les Nétiniens, et les enfants des serviteurs de Salomon, furent 392. Or ce sont ici ceux qui montèrent de Telmella, de Telharsa, de Chérub, d'Adam, et d'Imé, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, et faire voir s'ils étaient d'Israël. Les enfants de Delaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nekoda, 652. Des enfants des sacrificateurs, les enfants d'Abaja, les enfants de Ko, les enfants de Barzillaï, qui ayant pris pour femme une des filles de Barzillaï, Galaadite, fut appelé de leur nom. Ceux-là cherchèrent leur registre, en recherchant leur généalogie, mais ils n'y furent point trouvés, c'est pourquoi ils furent rejetés de la sacrificature. Et Attiersata leur dit qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, tandis que le sacrificateur assisterait avec l'Urim et le Thummim. Tout le peuple ensemble était de 42 360. Sans leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient 7 337, et ils avaient 200 chanteurs ou chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, et 245 mulets, 435 chameaux, et 6 720 ânes. Et quelques-uns d'entre les chefs des pères, après qu'ils furent venus pour rebâtir la maison de l'Éternel, qui habite à Jérusalem, offrant volontairement pour la maison de Dieu, afin de la remettre en son état, donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leur pouvoir, 61 000 drachmes d'or, et 5 000 mines d'argent, et 100 robes de sacrificateurs. Et ainsi les sacrificateurs, les lévites, quelques-uns du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens, habitèrent dans leur ville, et tous ceux d'Israël aussi dans leur ville.